Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode spécial d'ActuVu sur le conflit entre Israël et le Hamas. Cet épisode, on l'enregistre le lundi 16 octobre. C'est important parce que les choses vont sûrement évoluer très vite. Nous, notre but, c'est que vous ayez des clés pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce conflit? Pourquoi maintenant? Quelles conséquences il pourrait avoir et celles qu'il a déjà? Moi, c'est Chloé et je suis accompagnée de mes super camarades qui ont fait un travail de dingue pour tenter de vous rendre tout ça plus accessible. Alors, au programme, on s'est lancé le gros défi de vous résumer en 2 minutes les grandes lignes du conflit israélo-palestinien, puis on va vous expliquer ce qu'est le Hamas, l'importance de ce conflit dans la géopolitique régionale, on parlera notamment du Hezbollah libanais, de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Pierre vous expliquera ensuite l'importance de l'attaque du Hamas pour Israël, alors que le pays traverse déjà une crise politique. Et puis, plus pointu, de quelles ressources armées disposent les deux camps? Comment va s'organiser l'aide pour la Palestine? Et on finira sur un petit point historique pour savoir ce que sont ces fameux kibboutz dont on parle depuis les massacres de la première semaine. Donc tout commence avec l'opération militaire Déluge d'Al-Aqsa samedi 7 octobre. Des commandos militaires du Hamas envahissent Israël. Des milliers de roquettes sont lancées. Une rave party en Israël est visée en plein Shabbat. Des civils sont tués, d'autres sont pris en otage. En réponse à cette attaque, l'armée israélienne frappe les territoires palestiniens, impose un siège à Gaza. Plus d'eau, de gaz et d'électricité dans la bande de Gaza, où vivent quelques 2 millions de personnes. Donc ça, c'est le point de départ d'une semaine d'horreur où de nombreux civils des deux côtés ont été tués. À l'heure où je vous parle là, on en est à 1400 morts côté israélien, 2450 côté palestinien, dont plus de 700 enfants. Des chiffres terribles qui cachent des réalités pas toujours simples à décrypter, d'autant plus que cette attaque s'inscrit dans la guerre israélo-palestinienne. Une guerre difficile à comprendre que Julie va tenter de vous résumer au mieux. Salut Julie. Salut Chloé. Ce conflit remonte donc à la fin du 19e siècle. Oui, et à ce moment-là, Israël n'existe pas encore. La Palestine est une province de l'Empire ottoman avec une population arabe. Parmi elles, 80% de musulmans, 10% de chrétiens et 10% de juifs. Partout ailleurs dans le monde, les juifs sont persécutés. Ils fuient en Palestine parce que pour eux, c'est une terre promise, la terre symbolique. Et c'est là que naît le sionisme, un mouvement politique qui souhaite donner aux Juifs un territoire national dans une région où se trouve la Palestine. Pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique promet aux Juifs de son pays un foyer en Palestine. Et à la fin de la guerre, l'Empire ottoman s'effondre et le Royaume-Uni prend le contrôle de la Palestine. 180 000 Juifs s'y installent, les Arabes musulmans et chrétiens s'y opposent et créent une résistance. Et la Seconde Guerre mondiale accentue cette migration des Juifs vers la Palestine. L'ONU décide d'y créer un territoire juif, un plan totalement rejeté par la communauté arabe. Ils ont le sentiment de se faire voler leurs terres parce que 55% du territoire palestinien est destiné aux Juifs alors qu'ils ne sont que 600 000 contre 1 300 000 arabes. Mais à ce moment-là, du coup, l'État d'Israël n'existe pas encore? C'est David Ben-Gourion, leader sioniste, qui prend l'initiative de proclamer la création d'Israël en 1948, sans demander l'accord des pays arabes de la région, qui n'approuvent pas du tout. L'Égypte, la Jordanie, l'Irak, le Liban et la Syrie déclarent la guerre à Israël la même année. Israël gagne la guerre et agrandit son territoire. Résultat, plus de 700 000 Palestiniens s'exilent dans les pays arabes voisins. Un exode massif que l'on appelle la Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe. En 1949, il ne reste donc que deux territoires non contrôlés par Israël, la bande de Gaza, contrôlée par l'Égypte, et la Cisjordanie, contrôlée par la Jordanie. Et puis, d'autres guerres vont venir marquer l'histoire d'Israël, la guerre des Six Jours et la guerre du Kippour, deux guerres qu'Israël finit aussi par remporter, avec de très nombreux morts côté palestinien. En 1987, a lieu la première Intifada, ça veut dire soulèvement en arabe. Ce sont des mouvements d'opposition des Palestiniens contre l'occupation israélienne. Il y en a eu plusieurs, à chaque fois très meurtrières. 6 ans plus tard, en 1993, les accords d'Oslo donnent de l'espoir aux Palestiniens. Le gouvernement israélien reconnaît l'OLP, c'est l'Organisation de Libération Palestinienne, comme représentant du peuple palestinien. Et l'OLP reconnaît le droit d'Israël d'exister. Mais l'accord n'a jamais réellement été appliqué, puisque les mouvements de droite en Israël s'y oppose et en Palestine c'est le Hamas qui s'y oppose. Et Gaza est déjà au centre des conflits? Oui, en 2005, l'armée israélienne quitte la bande de Gaza et le Hamas en prend le pouvoir. En 2007, en riposte, Israël met en place un blocus comme celui que l'on connaît aujourd'hui. S'enchaînent plusieurs guerres à Gaza en 2008, 2012 et 2014 avec à chaque fois beaucoup, beaucoup plus de morts côté palestinien que côté israélien. Et cette différence dans le nombre de victimes, elle s'explique grâce à la protection du territoire israélien par le fameux dôme dôme de fer américain, un système qui permet d'intercepter les roquettes tirées par le Hamas sur Israël. Les dernières tensions en date avant l'épisode de samedi, elles remontent à 2021. Plusieurs familles palestiniennes qui habitent à Jérusalem sont menacées d'expulsion par le gouvernement israélien. L'ONU s'y oppose. 11 jours d'affrontements très violents s'en suivent. 230 personnes meurent en Palestine, 12 en Israël. Et on l'a dit au début de cet épisode, c'est le Hamas qui bombarde Israël dans la nuit du 6 au 7 octobre. Colin, le Hamas, c'est un mouvement palestinien qualifié comme organisation terroriste par l'Union européenne. C'est en fait la branche palestinienne des Frères musulmans. Le parti politique est fondé en 1987, au cours de la première intifada. À ce moment-là, ils jurent d'anéantir Israël. Ils veulent récupérer les territoires palestiniens occupés. Depuis, ils sont responsables de nombreux attentats suicides et attaques meurtrières. En 2007, le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza aux dépens de l'autorité palestinienne. Le Hamas compte au moins 7 fondateurs, dont le chef spirituel, le cheikh Ahmed Yassine. Les dirigeants sont généralement pris pour cible par les forces israéliennes. Ahmed Yassine, lui, est tué en mars 2004. Aujourd'hui, Yahya Sinwar et Ismaïl Haniyeh sont les dirigeants du Hamas. Le premier se trouve à Gaza, le second vit en exil à Beyrouth, comme beaucoup d'anciens dirigeants. Le Hamas réussit à vivre grâce à de nombreux soutiens, le Liban, le Qatar, la Turquie, l'Iran. Un soutien bien plus qu'idéologique. Téhéran financerait à hauteur de 100 millions de dollars par an le mouvement. Le Hezbollah aussi apporte une grande aide au Hamas. Et comme l'a expliqué Colline, ce conflit ne touche pas qu'Israël et la Palestine, d'autres pays sont concernés. Petit point géopolitique maintenant. Depuis l'offensive du Hamas, des regards se tournent vers l'Iran. Plusieurs médias soupçonnent le pays d'avoir aidé le Hamas à préparer son intervention armée. Une information immédiatement démentie par les responsables iraniens. Tristan, l'Iran s'intéresse tout de même de très très près à la situation en Palestine. L'histoire entre l'Iran et Israël, c'est un peu celle des deux frères devenus meilleurs ennemis. Dès la création d'Israël en 1948, les deux pays nouent des liens étroits. En 1950, l'Iran devient d'ailleurs le deuxième État à majorité musulmane à reconnaître Israël. Mais tout change en 1979. Le régime du Shah prend fin avec la révolution iranienne. Une république islamique est instaurée. À partir de là, l'Iran rejette sa reconnaissance de l'État israélien et cesse toute relation officielle avec lui. Et c'est encore pire depuis 1989. Ali Khamenei accède au poste de guide suprême, il qualifie notamment Israël de tumeur cancéreuse et en 2022, il déclare que la lutte pour la Palestine est un devoir islamique. L'Iran est également un soutien sans réserve des mouvements opposés à Israël. On peut citer le Hamas en Palestine, bien sûr, mais aussi le Hezbollah au sud Liban. Justement, le Hezbollah fait craindre la formation d'un second front à la frontière israélo-libanaise. Des frappes entre le sud du Liban et Israël ont eu lieu cette semaine. Le Hezbollah, c'est à la fois un parti politique libanais, mais aussi une milice, la dernière milice armée du Liban, très influente dans le sud du pays. Et depuis le début de la crise, elle est à l'origine de plusieurs tirs en direction d'Israël. En fait, dès la création de son État, Israël souhaite agrandir son territoire vers le nord en annexant des terres libanaises. Et depuis la guerre des Six Jours, Israël occupe la région libanaise des fermes de Sheba, un territoire du sud du pays. La question des frontières terrestres a toujours été une source de tension entre le Liban et Israël, mais pas vraiment de conflit avant le début de la guerre civile du Liban en 1975. Israël envahit le sud Liban en 1978, puis la totalité du pays en 1982. C'est à ce moment que le Hezbollah se structure en résistance à l'occupation israélienne. Les tensions atteignent leur apogée en 2006 lors du conflit israélo-libanais. À partir de là, les attaques entre le Hezbollah et Israël se multiplient. Des personnes sont souvent tuées à la frontière. Et il y a quelques jours, Hassan Obala, le chargé des relations avec les factions palestiniennes pour le Hezbollah, mettait Israël en garde. Si l'État sioniste poursuit sa politique de terre brûlée à Gaza, le Hezbollah accélérera l'ouverture d'un front au Liban. Les frappes israéliennes dans le sud du Liban ont déjà fait des morts. Un journaliste libanais de Reuters, notamment Issam Abdallah, il avait 37 ans. Des tensions avec le Liban, mais aussi avec l'Arabie saoudite. Gabriel, le 14 octobre, le royaume s'est retiré des négociations sur une possible normalisation avec Israël. Oui, alors, pour clarifier tout ça, une normalisation, ça veut dire que l'Arabie saoudite envisageait de reconnaître Israël comme un État à part entière, ce qu'elle n'avait jamais fait. Des négociations se déroulaient en ce sens depuis plusieurs mois sous l'égide des États-Unis, alliés d'Israël. En échange d'une reconnaissance de l'État hébreu, Washington promettait à l'Arabie saoudite un accord sur la sécurité et une aide sur un programme nucléaire civil. De son côté, l'Arabie saoudite demandait à Israël des concessions en échange de la normalisation. Et parmi ces demandes, Riyad tentait de peser en faveur des Palestiniens. Alors il faut bien comprendre que la Palestine restait un sujet de second plan dans les négociations, mais avec le conflit qui se joue depuis plus d'une semaine, l'Arabie Saoudite se trouvait un peu embarrassée. Elle condamne, je cite, le bombardement de civils sans défense. Et après une semaine, donc, Riyad a décidé de stopper toute discussion sur une éventuelle normalisation d'Israël. Résultat, pas de relations diplomatiques en vue entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui sont quand même deux pays centraux dans la géopolitique du Moyen-Orient. Vous écoutez toujours l'épisode spécial d'ActuVu sur le conflit entre Israël et le Hamas, un conflit déclenché par une violente attaque du Hamas samedi 7 octobre, et une attaque inattendue, car Israël est réputé pour avoir des services de renseignement puissants et quasi infaillibles, une inversion des rôles qui est la conséquence d'un affaiblissement sur le long terme du pouvoir israélien, Pierre. Oui, tout à fait, Chloé. Depuis des années, le peuple hébreu vivait avec un profond sentiment de sécurité sur son sol, qui vient donc brutalement de s'effondrer à l'aube de ce 7 octobre, une date qui a complètement rebattu les cartes en mettant d'une part à genoux le renseignement ainsi que la puissance de l'autorité israélienne. Israël, c'est quand même la 15e puissance militaire du monde. Comment on explique que le pays ait pu subir une telle attaque ? En réalité, par une série d'erreurs qui ont conduit un pays programmé pour être intouchable à la division et donc à l'affaiblissement. Le Hamas s'est engouffré dans une faille qui ne cesse de s'élargir au sein de cette société. D'abord, le pouvoir s'est progressivement désintéressé de la question palestinienne en privilégiant la poursuite de la colonisation, comme en Cisjordanie. Aussi, depuis des mois, les Israéliens protestent en force contre le gouvernement qui cherche à réformer la Cour suprême. Objectif, limiter ses compétences et ainsi permettre aux politiques de désigner comme de révoquer les juges, une démocratie ainsi plus qu'instable, d'autant que c'est dans cette crise politique profonde, autour de la réforme de la justice, qu'un paysage politique majoritairement influencé par l'extrême droite nationaliste et religieuse s'est formé. Benjamin Netanyahou, le premier ministre, bien trop occupé à soigner sa coalition, en a probablement négligé un axe de sécurité de son pays, renforçant ainsi les capacités d'attaque des menaces extérieures. Des décisions successives qui ont mené à l'affaiblissement de l'État hébreu et à une fracture de cette société israélienne. De son côté, Netanyahou, lui, compte bien profiter de la situation pour renforcer son autorité en interne. Depuis deux semaines, on entend forcément beaucoup parler des armées des deux camps. Salut Alexandre. Salut Chloé. On l'a vu, le nombre de victimes palestiniennes est plus élevé que celui de victimes israéliennes. Et pour cause, l'armée d'Israël est très, très puissante. Alors le rapport de force peut paraître déséquilibré. L'armée d'Israël, qu'on appelle aussi Tsahal, est tout simplement considérée comme une des armées les plus puissantes du monde. Déjà parce qu'on parle d'une armée qui est très bien équipée et qui possède entre autres la bombe nucléaire. En quelques chiffres, l'armée israélienne, c'est 170 000 militaires et 465 000 réservistes. Pour un pays de moins de 10 millions d'habitants, c'est juste énorme. Pour vous aider à mieux visualiser, en France, on est 68 millions d'habitants et on a presque 10 fois moins de réservistes. En plus, Israël dispose d'un budget conséquent pour son armée. 4,5% de son PIB était consacré à l'armée en 2022, c'est 23 milliards de dollars. Mais comme le régime de Netanyahou est ébranlé par une crise, le pays peine à recruter de nouveaux soldats. Et du côté du Hamas, c'est pas tout à fait la même histoire. Déjà parce que Al-Qassam, la branche armée du Hamas, n'est pas une armée rattachée à un pays en particulier. Selon les renseignements américains, seulement 20 000 à 25 000 hommes composent ses rangs. Mais ils disposent tout de même d'un arsenal riche, composé à la fois de missiles artisanaux, mais aussi de drones, de mines, de missiles guidés anti-chars, de lance-grenades ou encore d'obus de mortier. Pour l'heure, une offensive d'Israël sur Gaza est attendue. L'armée israélienne a demandé l'évacuation des civils de la ville en fin de semaine dernière. Une offensive armée qui se jouera probablement sous terre, car des tunnels souterrains ont été creusés par le Hamas pour y cacher ses troupes et ses armes. Les réunions de crise se succèdent en Europe depuis l'offensive du Hamas. Au cœur des débats, les aides apportées au développement des territoires palestiniens doivent-elles être gelées ou non ? On rappelle que depuis le lancement du processus de paix en 1993, l'Europe est le principal donateur et le plus grand soutien de l'autorité palestinienne. Une réalité qui pourrait évoluer, Jeanne. Eh bien, mardi 10 octobre, l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe ont plaidé pour un soutien financier durable à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Une décision qui fait écho au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Oman, rappelle qu'une grande majorité des États membres plaident pour la poursuite de ce soutien et, je cite, que les paiements dus ne devraient pas être retardés à un moment où cette autorité se trouve dans une situation critique parce que le peuple palestinien souffre lui aussi. Alors que lundi, un examen du programme était demandé par certains qui voulaient entièrement geler les aides liées à l'alimentation, l'école et les hôpitaux, de peur de contribuer au financement du Hamas. Josep Borrell refuse aussi de couper l'apport d'eau et d'électricité vers Gaza, parce que 2 millions de gens otages du Hamas y habitent. Cependant, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche et la Suède ont décidé de suspendre leur aide au développement aux Palestiniens, tout en précisant que l'aide humanitaire, elle, serait maintenue. Et au total, l'aide humanitaire de l'Union européenne en 2023 représente 28 millions d'euros. Plusieurs centaines de civils ont été massacrés dans des petites communautés agricoles, Berry, Nir Oz, Kfar Aza. Salut Lorina, ces kibboutz, on a beaucoup entendu leur nom cette semaine. Oui, un kibboutz, c'est un lieu où les juifs d'Israël vivent en communauté. En hébreu, kibboutz, ça veut d'ailleurs dire ensemble ou assemblée. Ils ont vu le jour avant la création de l'État d'Israël, le premier date même de 1909. Des juifs venus d'Europe de l'Est se sont installés sur le territoire de la Palestine et ont créé ces communautés. Tous leurs biens, leurs ressources et même leurs terres étaient mis en commun. Le concept de propriété privée n'existait plus. Les kibboutz se sont créés en mêlant sionisme et socialisme et où l'égalité et la laïcité étaient au centre de la société. Alors aujourd'hui, la situation est un peu différente. Les kibboutz se sont petit à petit privatisés et certains sont même devenus religieux. Actuellement, 125 000 personnes, soit 2% de la population juive israélienne, vivent dans les 250 kibboutz du pays. Ce sont des lieux stratégiques pour Israël. Ils assurent près de 40% de la production agricole nationale. Les kibboutz sont souvent favorables à la cause palestinienne. Les attaques du Hamas sont donc assez inattendues. C'est la fin de cet épisode spécial. Merci à toute l'équipe et merci et surtout bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère vous avoir aidé à comprendre les tenants et aboutissants de ce qui se déroule actuellement au Proche-Orient. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis, vos familles ou vos animaux de compagnie qui s'arrachent les cheveux pour y voir clair sur tout ça. Et nous, on se retrouve samedi pour un nouvel épisode d'ActuVu.